nos réputations entre tes mains. Partout l'ennemi a voulu les détruire. Ce soir, je les néantis. Au nom de Jésus, je prie que ta grâce soit sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, je crée. Tu vas prier pour ta santé et pour tes relations. Que Dieu te fasse grâce. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour la santé. Tu veux que je sois en bonne santé. La santé et la foi vont de pair. Seigneur, comment pouvons-nous t'adorer malade? Je prie ce soir au nom de Jésus que tu nous guérisses. Que nous sommes restaurés. Refuse la maladie dans ton corps. Hier, nous avons vu dans un chronique que la tribu d'Issachar avait l'intelligence du temps. Prions que Dieu nous donne l'intelligence du temps. Tu feras des choses précises au bon moment. Les gens vont s'agiter à acheter des parcelles. Toi, tu feras ce qu'il faudra faire et ta vie va changer. C'est comme ça que la tribu d'Issachar était positionnée à côté de la tribu de Juda. On n'a pas le temps, mais on en a parlé hier un peu. Lors de la guerre, on ne mettait pas les tribus par hasard. C'est cette tribu qui savait qu'en ce moment on peut attaquer. Il dit c'est le moment. Et Judas a attaqué. Nous voulons prier que Dieu nous donne l'intelligence du temps. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, donne-nous l'intelligence du temps dans notre vie. Donne-nous l'intelligence du temps dans notre vie. Notre vie ne peut pas changer si nous n'avons pas l'intelligence du temps. Le temps de la visitation. Le temps de la grâce. Le temps d'être à tel endroit. Le temps de faire telle ou telle chose. Oh Jésus. Oh Nous voulons prier pour la localisation, pour le positionnement. Que Dieu te donne à chaque fois dans ta vie d'être à la bonne position. Hier, on a analysé la vie d'Ésaü et de Jacob. Ésaü était fort. Il était intelligent. Il avait les armes. Mais il s'est retrouvé à une mauvaise position quand on devait bénir quelqu'un. Bien-aimés, il y a des gens aujourd'hui qui vivent bien. Ils ont eu la grâce d'être à la bonne position au bon moment. Alors prie le Seigneur. Satan a chamboulé wakati yako. Il ne puisse pas envoûter votre position. Il ne puisse envoûter votre position. Katika jina la Yesu. Nom de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Katika jina la Yesu. Seigneur, merci pour ce moment que nous recommandons entre tes mains. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dix domaines sur lesquels l'ennemi met sa main pour détruire nos vies. Dix domaines où nous devons briser la main du diable. Les hôtels dans nos maisons. La renommée dans nos vies. La santé. Nos relations. Il y a des gens aujourd'hui. L'ennemi va détruire toutes tes bonnes relations. Là où on t'accueillait bien. Quand tu arrives, tu les énerves même. Dans la maison, tu entres bien. Quand tu arrives, tu les énerves même. Oh bien-aimé, ça c'est le plan des ténèbres. Le travail. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? L'ennemi veut détruire ton travail pour détruire ta vie. Le temps. Tu ne connais pas à quelle heure tu dois être là où tu dois être. Et quand on demande est-ce qu'il est là, on dit il n'est pas là. On dit mais qui est là? On dit non, appelez-le. Et puis on dit non, ce n'est pas lui qui méritait. Non, tu n'étais pas au bon moment, au bon endroit. Alors, domaine numéro 8. Nous commençons ce soir et j'espère qu'on va terminer. Parce que demain, on doit parler d'autres choses que Dieu nous a mises à cœur. La libéralité. La libéralité. Voilà, c'est déjà beaucoup de mots, beaucoup d'explications. J'aimerais définir la libéralité. La libéralité, mana yake. C'est quoi une libéralité? La libéralité, c'est un acte par lequel quelqu'un procure à autrui un avantage sans rien attendre en retour. Il donne sans attendre en retour quelque chose. Et même la libéralité, c'est pratiquement un don, une disposition de cœur. De donner. Il y a des gens qui donnent facilement. Maman Michou connaît. Il y a certaines personnes dans la vie. Il faut que donner sans attendre quelque chose en retour. Même en famille. Il y a des gens. Il donne facilement. Vous avez un problème. Dès que vous l'appelez, il donne quelque chose. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont beaucoup. Non. Ils font avec les moyens qu'ils ont. Même si c'est un manioc qui peut t'en donner. Quelqu'un qui ne donne pas. Même le sosomane là-bas qui l'a ramassé, il ne va pas te donner quelque chose. Vous n'avez jamais vu ça? Amiyaonaka il est. Bouyoka, il est dans le côté mon pauvre à Tourime, tout à Kouima. Les champignons que nous trouvons facilement comme ça dans la forêt là, sans même faire. Mais quelqu'un qui a la libéralité, il donne. Et qu'on a l'état. Il n'attend rien en retour de toi. Il te donne la nourriture. Il te donne les vêtements. Il te donne ce qu'il peut te donner. Oh, je prie ce soir dans cette église que Dieu suscite des hommes et des femmes avec le don de libéralité qui peuvent regarder le pasteur et lui donner, qui peuvent regarder un frère et lui donner. Frères et sœurs, là où il y a des hommes et des femmes comme ça, ce sont des hommes et des femmes solutions. Écoutez très bien. L'eau coule toujours vers le point le plus bas. Non, vers le point le plus bas. Il n'a pas chini kabisa. Ajoute chini kabisa. Il n'endaka pas vers le point le plus bas. Il n'endaka pas kule chini kabisa. Bon, vous comprenez. Je crois parfois les traductions. Voilà, on met la pensée est là. Quelqu'un qui a ce don là. Où le monde qu'on a eu les awadi. Nous allons le voir. Ce sont les gens qui ne dorment pas affamés. En tout cas, n'ont pas de difficultés. La Bible dit dans Luc, et bien, c'est Luca, celui qui arrose sera, ule, ekuna mimiana, sera na yeye batamu mimia. Qui arrose dans cette église? Nane animimiaka. Qui pense qu'il y a le don de libéralité? Nana zania kama bon, ne lève pas la main, mais je prie seulement. Que Dieu puisse nous aider. Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On le fait avec les moyens qu'on a. Ukunaifanya na ile namna uko nayo. Dans notre famille, je connaissais une grande sœur, une cousine. Mujamala yetu ilikuwa na dada yangu moja fulani. Bon, malheureusement, elle est déjà décédée. Ole ka sababu ya kufariki. Ah oui, Zikwenda, elle n'était même pas. Elle croit une Djokoabo, mais comme elle était la grande. Elle non. Était chez elle, mais c'était la grande. Ah oui, Zikwenda, étudiant va aller. Non, tant qu'étudiant. Ah oui, Zikwenda. Elle ne peut pas partir. On a Rudia à Okuri. Tu vas là-bas, rentrer sans manger. Moune mon crise, yaka na kupachi. Dans la crise là-bas, mais. Elle faisait le stage. Quand on a fait un stage. Ah, le peu qu'elle a, comme on a. Non, il y a des gens comme ça. Je vous rencontrer le peu qu'elle a là-bas. Il y a certaines personnes aussi. Bon, aujourd'hui on parle de la libéralité, on ne parle pas des autres. C'est une source de bénédiction. C'est pourquoi au point de je vais parler de le chemin de la bénédiction par la libéralité. Avant d'arriver à la prière. Nous voulons comprendre que plusieurs ont été bénis par la libéralité. Plusieurs personnes dans la vie ont été bénis par leur libéralité. Ok, c'est samedi, je voulais être pratique. Genèse chapitre 18, on a vu hier. À partir du premier verset. Nous en avons parlé hier, on peut nous mettre, je vais lire en passant comme ça. Abraham avait un problème dans sa maison. Vous voyez comment Dieu résout les problèmes. Abraham n'a pas d'enfant. Il sert Dieu. Il prie. Il a la foi. On l'appelle père de la foi. Il sert le Seigneur. Mais Dieu va l'éprouver pour le bénir. Il voit trois personnes qui sont des passages. Abraham se lève et les supplie. Venez chez moi. Mangez un peu. Et puis vous allez continuer votre voyage. Et quand les trois personnes entrent, il va suivre sa femme. Ah, je prie le Seigneur. Dans le couple, ne soyez pas tous avec une main dure. Que Dieu arrange dans le couple. Si l'homme a la libéralité, que l'homme est, que la femme est aussi. Bwana na fata bibi. Le mari a suivi sa femme. Crème, nyam, pika ou pati ya baba. Crème, la viande, après ça, elle donne aux visiteurs. Jumi bia chakis pressa na wendo ou kaoue ou bébé kule ku baskour, kule ku. C'est comment? Kulupango ya banyamu. Dans la basse-cour. Ouwa, leta bakuri. Va attraper et tu égorges et prépare pour le. Ce n'était pas prévu dans ce programme. Ayekuta erishaka, mwile mawazo. La femme n'avait pas prévu. Mwanamuke uya kuta erishaka ile. Mais la femme a épousé un homme. Oui, mwanamuke aliolewa kwa. Qui avait le don de libéralité. Alikuwa na zawadi ya kuleta bila kusukuma. Quand ils ont mangé. Kisha wale bakeni kula. Ils ont dit, appelle ta femme. Appelle ta femme. Elle est où? Non, elle est dans la maison. L'année prochaine, à la même époque, frères et sœurs, la libéralité est une source de bénédiction. Plusieurs ont été bénis. Je prie ce soir que dans ta maison, que tu sois béni aussi à cause de ta libéralité. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand tu dis amen, reçois le don de libéralité. Alléluia. Amen. Deux Rois chapitre 4, verset 8 à 17. On a vu ça hier aussi. Deux Rois 4, 7 à 8. La femme de Sunem. Mais les grandes choses dans la Bible, remarquez bien, on va le voir demain, c'est surprenant, parfois ce n'est pas par la prière, c'est par des choses spécifiques que nous faisons. La prière nous met en communion avec Dieu. Nous prions, Elle nous met en communion avec Dieu. On prie beaucoup. On prie. Mais il y a des choses à faire. Deux Rois chapitre 4, verset 8. Ok, les tableaux nous posent toujours des problèmes. On voit cette femme. Dans son couple, ils ont un problème d'enfant. Ils voient Élisée qui passe. Alors, mon famille, il n'est pas de leur famille. Frères et sœurs, nous avons toujours le problème de tribalisme. Non, ce sont ceux-là. Je les dis de temps en temps. Il se maka marami. On a pas la fille qui va 10. Tu as 10 amis. Bon, t'es pas 10, bah, qui a quoi, nous? Ah, vous avez 10 amis. Là, il y a un problème quand même, non? Pas pour l'instant, moi, même pas un seul. C'est à l'église où on doit enseigner ces choses. J'ai dit, en tout cas, moi, à ma connaissance, je ne sais pas Si j'ai un ami de ma tribu, amen. C'est peut-être une coïncidence. Mais cela que je peux dire ami, mais quel que ça. Non, je ne vois pas vraiment quelqu'un. Mais je suis bien. Je suis bien. Il m'aime. Je peux poser des problèmes, il m'aide. Mais pas na way. Et toi? Kachok, pakapakachok. Si tu es choc, en tout cas, tout ton entourage, rien que de choc. Ah, pana. Au ciel, tu seras à côté des Mongols. Alléluia. Amen. Cette femme voit Élisée. Oui, mon amour, quand on a Elisha. Et dit à son mari. Cet homme qui passe ici. Oui, mon père, pita kapukile wakati. Non, non, je vois que c'est un homme de Dieu. Faisons-lui une chambre. Quel cœur. Une chambre. Haute. Donc si tu vas quitter, il y a tout le monde qui est au étage. Qui a tout le monde qui est table. Qui table. Chakula. Mettre aussi à manger. Comme un akouya. Dès qu'il vient encore. Alal. Il passe lui là-bas. Et le temps qu'il fait, il est au 4 qu'on a pété. Ça suppose que qu'il a tiré, on a changé les madras. Et qu'on a appelé Kachakula. Là, on lui donne chaque fois à manger. Quand Élisée a senti ça, là, au 4 Elisha, il est chiqué maintenant. Bandou, Koukou, Bandou, on a combé à Ka. Dieu a bien fanichi. Bien aimé, il y a certaines personnes qui intercèdent pour toi sans que tu le saches pour les bonnes œuvres que tu accomplisses pour toi. Toi, tu n'as pas demandé la prière. Oui, il y a Koumba. A pas de Koumba, mais il y a. Tu touches seulement. Oui, mais tout, on a fan. Le pasteur s'est mis au bureau et dit non, non, Léo Mich, si ta Omba, c'est ma Mungu, quand il est sa fan. Mungu, Léo ni ouyou, maman. Aujourd'hui, Dieu, c'est à cause du sujet de cette maman. Parce qu'il y a des choses qu'il faut voir. Au COVID, il n'y a pas qu'à Imani. On doit voir. On prie pour. Et après Élisée dit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour cette femme. Mais quand quelqu'un te fait du bien. La prochaine étape. C'est ce que tu demandes, qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour lui. Et Géasi dit, il n'a pas d'enfant. Et dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. C'est d'eux, on en a parlé. Aujourd'hui, je voulais parler de notre cas. 1 Samuel, chapitre 25. Verset 14 à 25, et le verset 32 à 33. 14 à 25, 32 à 33. 1 Samuel chapitre 25, je voulais parler de ce cas aussi. Que nous puissions retenir ce cas, ça va nous aider. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Rudoyés, il y a rue. Comment faut-il ça m'en dire? Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de murailles. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant. Et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Maman, maman, vous voyez où chef vous? Voyez un peu, c'est genre de chef. David envoie ses hommes. David a tout mal. Chez Nabal. Waouh, il monte maintenant à Nabal. Donne-nous même un peu de pain de sec. Tout peu quand t'as. Qu'on mange parce qu'on a faim. Nabal chasse ses gens. Pourtant, les hommes de David ont protégé les hommes de Nabal tout le temps qu'ils étaient dans le champ. Alors David dit, Dieu est témoin. Nous allons tuer Nabal. C'était la décision de David. Sa femme n'était pas là. Oh bien aimé, si une femme manque ce don, il expose la maison. Mes soeurs, dans votre mariage, dans votre vie, kama unaoa mwanamke ashikabulake frère, si vous prenez une femme en mariage qui ne donne jamais, wakati kupanda kwa mlima, c'est le temps maintenant de monter à la montagne. Atakuishisha, va t'amener des problèmes. Kosechesha bintu bikubwa mu maisha, il fera manquer de grandes choses dans la vie. Les travailleurs ont dit, ces gens nous ont fait du bien nuit et jour, tout le temps que nous étions avec. Ah, ils ont même gardé les troupeaux. Ils sont dit à la femme, maintenant, sache ce que tu dois faire. Parce que notre maître est méchant. Pire encore, il est si méchant qu'on ose même pas lui parler. Donc il y a des chefs comme ça. Il est tellement méchant qu'on ne sait même pas lui parler. Verset 32. Mettez le verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Verset, ça c'est quel verset? Mettez 32. Ah ok, 33. Je voulais dire quelque chose. Nous sommes toujours sur le même verset. Tu comprends pas, Moustari? Modia, modia. C'est 1 Samuel 25. Je voulais parler de la réaction de Abigail. Abigail est où? On parle de quoi? On va prier pour le nom. Abigail. Mettez un peu le verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Verset suivant. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles, écoute les paroles de ta servante. Verset suivant. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. C'est son mari, hein? À Nabal. Car il est comme son nom. On va. Donc, reporter ce verset juste en quelques instants. Il est comme son nom. Souvent, nous sommes comme nos noms. Nabal est son nom. Nabali, jo jina yake. Il y a celui de la folie. Wake tu, ni majimu. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyé, quelque chose comme ça. Que mon Seigneur a envoyé. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardon, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Verset 33. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Alléluia. Amen. La libéralité. a sauvé Nabal. N'était cette femme avec ce don. Frères et sœurs, il y a des maisons qui sont sauvées parce qu'il y a un don de libéralité. C'est pourquoi que je prie que Dieu répande ce don dans l'église, dans nos familles. Je ferme la parenthèse. C'est un sujet. Abigail a sauvé Nabal. Abigail a yokowa Nabal. Elle a pris la défense de la maison. Elle n'a pas prié. Parfois nous pensons que la prière va résoudre tous les problèmes. Non. Elle a pris un don. Elle est partie voir David. Beba imikate ou courrier à Chana na Nabal. Il est comme son nom. Il a pris le présent, il a amené devant David. Il a dit que prenez ça, Nabal est comme son nom. Il est abruti. Fou. C'est comme ça qu'il dit que la folie. En fait, c'est ce que signifie Nabal. Hein? La folie est chez lui, est dans son nom. C'est, que c'est ça la signification de Nabal. On va en parler tantôt. Ok, troisièmement, je voulais terminer. Nous devons prier pour refuser l'esprit des ténèbres qui bloque notre libéralité. Qui bloque d'exprimer notre libéralité. Parce que le diable connaît le bénéfice de la libéralité. Et il t'empêchera toujours d'exercer ce don. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais à l'époque, on nous disait que je trouve que c'est vraiment la catastrophe. Je ne sais pas. Mais nous devons prier. C'est une source de bénédiction. Comment le faire? Comment le diable agit? Je prends juste deux exemples, on va passer à autre chose. Comment le diable agit? Matthieu chapitre 26, versets 6 à 9. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase de parfum qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Les disciples voyant cela s'indignèrent. Vous voyez, le diable va créer en toi un esprit d'indignation, un esprit de regret. Quand on fait du bien à quelqu'un, ça c'est un signe qui montre qu'il y a un problème dans ta vie et aujourd'hui nous devons prier pour chasser cet esprit-là. Quand on lui a donné quelque chose de valeur, au lieu de lui donner même des pipis seulement. La gomme, pipi. Il m'a pipi à Zamani, c'est la gomme. Comment t'as moussé à tout Ibilato? Pourquoi on lui a payé cette paire de chaussures? A bébé tout au motoka à mon pâtier pasteur. Il prenne sa voiture, qu'il offre ça au pasteur. Comme une expression en swahili que j'avais trouvé, Mukatuba. Ah, ah! C'est ajouté encore un plus à laissez les gens donner. Moi, tu ban tout. Pour être béni. Quand dans ta tête il y a cette dualité, ça signifie qu'il faut prier pour ça. Les disciples ont dit non, il parfum. Les disciples ont dit que non. On a gaspillé pour qu'on mange à Yes. Il a gaspillé ça. Il fallait tout juste. Yesu ton maître, Wab. Jésus-Christ, c'est lui leur maître. Il fallait toucher. Il fallait qu'on puisse vendre ça. Hébreux chapitre 13, verset 2. Ça, c'est un verset que vous connaissez. Je voulais terminer par ce verset. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Ils ont logé des anges. Je donne l'exemple de quelqu'un qui a logé un ange sans le savoir. La veuve de Sarepta. On a lu l'année passée tous les textes dans 1 Roi chapitre 17. Il reste un peu d'huile, un peu de farine. Elie vient. Bien aimé, quelqu'un qui a le don de libéralité. Non, c'est des petites choses. Elie lui dit, prépare-moi un gâteau. La femme lui dit, j'ai peu. Un peu d'huile, un peu de farine. Que j'ai gardé pour mon fils. Quand nous allons manger, lui et moi, après avoir mangé, nous prions et nous mourons. Et lui dit non, il n'y a pas de problème. Prépare d'abord pour moi. Mais j'ai découvert que les gens qui ont le don de libéralité, il y a des moments eux-mêmes se privent. Ils n'achètent pas les habits. Il achète pour l'autre. Mais il ne mange pas. Il donne la nourriture pour les visiteurs. Mais lui-même, il n'a pas mangé. Le visiteur a très bien mangé. On a pris l'accent. Pas la nenda. Quand il s'en va. Vous n'avez jamais vu ça? Ça, c'est des gens qui ont le don. Mais l'ennemi veut toujours s'arranger. La bénédiction de la veuve de Sarepta passait par cette libéralité. Mais l'ennemi voulait lui faire comprendre que non, tu n'as que très peu, tu vas mourir après. Heureusement pour elle. Dieu avait dit à Elie, j'ai instruit à cette femme de te donner la nourriture. Oh, si Dieu ne t'aide pas, il sera difficile que tu apprennes à donner aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je prie, bien-aimé, que Dieu nous aide. Quand vous avez une famille, si vous avez une famille, tout le monde a ses dons. Non, muta kwa bien. C'est en tout cas. Kwenda kwa dada jo mkurie. Kwa dada jo mvale. C'est la seule là. Kwa dada onakuria. Kwa muloko onakuria. Kwa mkuu onakuria. Allez, c'est l'autre, vous trouvez. N'est-ce pas ma fille? Je sens qu'il faut que je prie pour toi. Chika kama fazer ko be. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. C'est très important. Ya muhimu. Bien de sentir ça. Na shiki ndani yangu. Pour toi. Et pour la maison. C'est important, bien-aimé. On donne pas si on en a de trop. Et l'ennemi oui, nous empêche. Alléluia. Amen. Ça, c'est la huitième chose. Le diable tend sa main pour abîmer ou détruire les gens. Pour que les gens ne soient pas bénis, fait que les gens ne puissent pas donner. Ils sont devenus égoïstes. Neuvième chose, je donne les deux, on prie et puis on passe à la dixième chose. La couverture spirituelle. Souvent, nous les pasteurs, nous nous gênons de parler de ces choses. En tout cas, je prie le Seigneur que maintenant que Dieu doit nous aider de ne plus nous gêner de dire ce genre. La couverture spirituelle. Ukingo wa kifuniko ya kiroho. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent pas la notion et l'importance de la couverture spirituelle. Je voulais parler brièvement, je ne vais pas trop m'étendre, sur les pères spirituels. Un père spirituel peut te faciliter la vitesse et l'accélération dans ta vie. Anaweza kusaidia bitu binenda raka raka katika maisha yako. C'est comme les ailes sur lesquelles tu peux monter. Yeko sa unapanda pa mabawa. Je reprends. Narudi yako tena. Qu'un père spirituel baba wa kiroho peut te faciliter. Anaweza kusaidia la vitesse kwenda kwa haraka et l'accélération dans ta vie. Kwenda kwa haraka kabisa maisha yako. Au lieu que tu souffres pour découvrir certaines choses. Kabla uteseke kabisa pa kupata bitu moyo fulani. Il peut sourire. Yana cheka tu. Et te dire fais ceci. Anakwambia sema fanya hiki. Je disais hier que dans la vie, Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il vive seul. Si tu es seul, c'est une erreur. Dans le monde, il y a un principe d'interconnexion. Vous avez étudié la saponification? Ok, je résume. C'est pour faire l'huile, n'est-ce pas? Pour faire le savon, on a besoin de l'huile. Tu dis au vilain? C'est ça. Parfois il y a savon, tout le besoin n'a ma foutre. On a besoin de l'huile. Chidoville. Vous êtes d'accord avec moi? On a coupé l'huile. Ok. Maintenant, comment Ngua Yango il n'a chafoué n'a ma foutre? Par contre, toi tu as ma foutre, maintenant tu as ta foutre, savon. Si ton habit a été tacheté à cause de l'huile, mais si on veut nettoyer ça, on a besoin du savon. Donc, parfois il y a savon. Pour fabriquer du savon, maintenant tu as foutre ma foutre. Là, il cherche d'abord l'huile. Par contre, ça m'a foutu. Maintenant, pour enlever la tache d'huile, mais enfin, j'ai besoin de quoi? Mais ta foutu à tena, savon. Du savon. Bon, expliquez-moi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a toujours besoin l'un de l'autre maintenant, dans la vie. Bon, ceux qui ont étudié la chimie, j'ai parlé de la saponification, peuvent développer ces théories. C'est pour dire comment ça se passe, etc. On n'est pas là-dedans. Mais ce que je veux montrer, on a toujours besoin, on est interconnectés. Deuxièmement, un homme sans père ne peut pas aller loin. Même si vous avez l'impression qu'il avance, il n'ira pas loin. David sur le champ de bataille. Quand il avance vers Goliath, il prend les cinq pierres. Goliath se tient là. Au lieu de marcher, David court devant Goliath. Saül le roi. Il demande au général Abner. Il n'a pas demandé quel est son nom. Il a demandé à Abner. De qui est-il fils? Saül a compris. Il y a des victoires dans la vie que tu ne peux avoir que si un père t'a montré. Alléluia. Il y a des victoires dans la vie qu'on ne peut recevoir. Il y a des bénédictions. Tu vas prier, c'est bien. Tu vas chanter, c'est bien. Tu es intelligent, c'est bien. Mais il y a d'autres. Il faut avoir un mentor. Alléluia. Amen. Même à l'école, hein? On faisait des exercices de mathématiques compliqués. Enfin, il y a une année où vous n'étiez que les mathématiques. À un moment donné, Il y a un monsieur qui est venu me dire, désolé, tu te compliques. Regarde ici. Débrouille-toi pour avoir un produit remarquable. Dès qu'il a dit ça, on dirait qu'il a libéré mon esprit. Depuis lors, il m'a libéré. Donc, c'est pas un problème d'intelligence. Quand vous consultez les archives, les gens qui font les examens détaillés, les archives, s'ils sont problème résolu, je ne sais pas quoi. Tout le monde est archiviste, n'est-ce pas? Notre école, si tu n'as pas d'archives, ça sera difficile. Ça signifie quoi? Tu es coiffé. Il y a deux choses bien aimées. Moumaïsha. Dans la vie. Kama auna na baba. Si tu n'as pas un père. Out Africa. Tu n'iras pas loin. Et un père peut t'aider à accélérer. Alors, qui est père spirituel? Sasa baba wa kiroho ni nani? Qui est père? Baba ni nani? Mais ce n'est pas parce que j'ai entendu des prophéties chez 1000 prophètes que tous sont mes pères. Ce n'est pas parce que les 1000 ont imposé ma maison prier pour moi, non. Église. Kanisa. Bon, parfois on ne parle pas de ces choses, mais je préfère ouvrir une parenthèse pour vous en parler. C'est une source de bénédiction d'avoir un père. Un père, c'est celui qui te nourrit. Baba, niule, eko na kulisha. Tu es sa progéniture. Wewe, uko uzao, il t'a engendré. Aliweza kukuzaa. Tu es venu au Seigneur. Uliamini Bwana. Il t'a donné le ministère. Nakupatia huduma. Vous avez déjà connu, non? Parce qu'on a compris un ministère, on a quoi diacre, diaconès, mais ça n'a pas mis ma bango ni. Ils sont en cour à Oum. Le pasteur t'a donné un ministère là-bas. On a cour à Koulaskar, on a Jiba. Tu manges ici et tu manges de l'autre côté. Mais on a couru pas facture, cour relax. Mais tu vas aller payer la facture du côté relax. Du coup, relax, coucou bien. Parce que là-bas, il fait beau. Même Dieu n'est pas d'accord. Hatamungu, akubale maneno haya. C'est ça le principe. Injo kanuni. Mina kura uku mina jiba. Je mange ici, je suis rassasié. Par contre, je dis non. Et enfin, je dis non. Parce que désiré, mais apan. Non, non. Désiré, non. Minenda. Je m'en vais. Kurama. Je m'en vais. Écoutez, Rama. Non. Les bons enfants sont fiers de leur père. Attaque au Amuse. Batoto Bazuri, Baraka, la fière de Babaya, Bataka, Mesha Kuzeka. Il présente ce mot. Anasema, uyu, jo, Babayam. Amen. Vous savez, parfois on se fait violence de dire ces choses. Et quand quelqu'un reconnaît cette autorité, il commence à être béni. C'est comme ça que le Père va te souffler à l'oreille certaines choses. Ruth chapitre 3. Ruth surayake surayake ya tatu. Verset 1. Ruth chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Ce n'est pas Ruth qui connaissait le chemin. Pour être heureuse. Il est awe mama wa heri. Sa chance, sa grâce. Yuwa nehema yake. Elle avait un mentor. Alikuwa na mtu mtangulizi wala alikuwa anamuongoza. Verset suivant. Mstari ingine. Maintenant Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Ça Ruth ne savait pas. Mais mentor, baba arijua, mama arijua. Le mentor ou le papa ou la maman savait. Aujourd'hui, on parle de Ruth. Leo wanazungumzia kuhusu Ruta. Parce qu'il y a eu Naomi. Sababu Naomi alikuwako. Mais Naomi était qui? Sasa Naomi alikuwa nani? C'était une vieille. Parce qu'elle a dit, je ne peux pas parler des enfants. Donc, Arkwa a déjà ménopausé. Il avait déjà atteint l'âge de ménopause. Ok, même si on doit me marier maintenant, quand même, me marie encore en ce jour, si je mets au monde, le temps que l'enfant grandit, il dit non, non, je suis dans l'angoisse à cause de vous deux, Naomi, Ruth et Orpa. Donc, Naomi était veuve, Naomi Arikuya, Mjane, sans argent, Bila Feza, vieille, Kabisa, pauvre. Na maskini. Mais là, enrichi, lakini alimutajirisha, Ruth, Ruta, qui est devenue yeye alikuwa sasa la femme muke de l'homme le plus riche wa mutu mutajiri kabisa, Boaz, jina yake Boazi. Donc un pauvre huyu maskini fabrique un riche ana zalako huyu mutajiri. C'est ça le père unjo hali ya baba. C'est une boulangerie qui fabrique le pain. C'est une mine qui sort du cuivre, qui sort de l'or. Mais quand vous entrez dans la mine, les gens qui n'ont jamais visité la mine, il faut demander de visiter les mines. D'ailleurs, je pense toujours un jour, je prends les gens de la JPC, ils ne peuvent pas visiter comme mine. Vous n'êtes qu'à à tout. C'est sale. C'est des potopoto. De la boue. Mais là, les Chinois vont parce qu'ils ont la joie. Parce que il est potopoto. À cause de cette boue-là, il est allé makuta. Oh, ça va engendrer d'argent. C'est ça le père. Injo. Ruth a compris. Ruta arielewa vizuri. Comprenez ces choses. Mwelewe maneno haya. Cette semaine, Dieu nous a dit des choses extraordinaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on quitte la couverture du Père? Parce que le diable connaissant cette bénédiction fait tout pour que tu n'entres pas sous la couverture. Or, pas à ce qu'il y a une couverture à Naomi. Comme Bengine. Il y a certaines aussi. Où une couverture spirituelle, il y a. Il y a ta couverture spirituelle. Comme on bat quoi, c'est une couverture spirituelle, il y a. Peut-être c'est là où il y a ta couverture spirituelle. Mais on va la couvrir Christ, on a tort, on a chamboulan. Quand tu es dérangé là, tu insultes même. Quand tu quittes la couverture spirituelle. C'est vrai que Dieu est partout. Mais la bénédiction a un lieu et un temps. Baraka, il y a une fois, il y a une wakati yake. Alléluia. Amen. Je vous donne le premier cas que vous connaissez. Enfin, les deux cas vous connaissez, je cite les deux cas. Et puis on va prier pour passer au dernier point. L'enfant prodigue. Prodigue. Luc, c'est dans Luc, chapitre 15, verset combien? 11. 11, Luc 15, verset 11. Il dit encore, un père avait deux fils. Le plus jeune dit à son père. Donc, tout ça c'est un problème de père. Mon père, Baba, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. C'est là où les choses se sont empirées. Mambo quoi la bique parce qu'il a pris ses biens. Non, non. Les choses ne sont pas empirées parce qu'il a tout pris non plus. Il pouvait prendre et rester dans la maison. Na kubakia, mnyumba ya baba yake. Il s'est éloigné. Alienda, mbari, frère, ne vous éloignez pas de votre père. De mbari, na baba yako. Ça peut marcher aujourd'hui. Mais demain, il dissipa son bien. Mari in apoteaka. Même le bien aussi peut se perdre. Mari in apoteaka. Oui, même le bien là peut se perdre. Il faut avoir ça à l'esprit, hein, dans la vie. Maisha. Que Mari in apoteaka. Les richesses peuvent se perdre. Pourquoi? Joua in apoteaka. Joua. Même le soleil, c'est un aussi. Il oui, c'est un aussi. Bushiku la nuit arrive. Marie n'a pas Même les richesses aussi. Santé inakwete yak. La santé se perd aussi. C'est un principe biblique. Ine kanuni ya Biblia. Cet enfant ne savait pas que pourquoi se perdre. Parce que Baba aranza kuchunga il est mari. Parce que papa gardait toute richesse. Mari iko éternel. L'enfant dit que la richesse iko était éternelle. C'était éternel dans la maison du père. Nyumba ya Baba. Mais quand tu t'éloignes, wakati unatoka, unaenda mbali, tu ne sais pas ce que le père faisait pour que Mari ikuye kupaka. Pour que la richesse soit toujours permanente. Il y a plusieurs enfants là qui ont perdu leur vie. Et les pères biologiques et les pères spirituels. Bien aimé, vous ne connaissez pas ce que le père fait. La nuit, il prie. Comme j'aime ce que Job faisait. Il priait pour chacun de ses enfants. Nous prions pour chacun des serviteurs. Même si on ne vous le dit pas. Tel Moïse. Et sa femme, tel Mosée, et sa famille, tel diacre, et sa famille, les choristes, les mamans, les hommes, dans la maison du Père. Quand quelqu'un s'éloigne, la richesse se dissipe. Verset suivant. Lorsqu'il eut tout dépensé, parce que la source est coupée. La vie doit continuer, donc je dois dépenser. En tout cas, tout se termine sur dans la vie, dans ce monde. Toutes choses. Même les minéraux aussi ont une fin. Tu resteras avec des trous partout. Alléluia. Amen. Mukatanga. Ici chez nous au Katanga. Kukivu. Kivu. Tout ça va mantundu. Alors restez rien qu'avec des trous. Parce que minéré tishaka. Parce que les minéraux vont s'épuiser un jour. Dere kunaisha. Entre épuisement. C'est comme ça que dans le code minier, on a prévu le principe de garder l'argent pour des générations futures, parce que pour la génération future. Et puis on a même prévu combler tous ces trous là parce qu'il t'échac, parce que ça prendra fin. Soyez sûr que ima bulongo bulongo avec le temps quand je vois que toutes les connaissances sont prises, je dis que non, là nous allons vers la fin. Est épuisable. Il a tout dépensé. Une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ah bon? Donc quand il était chez le père, il n'avait pas. Il avait toujours le même besoin. Mais les besoins ne se faisaient pas sentir. Ne quittons pas chez Dieu. Ne quittons pas l'église. Ne quittons pas nos maisons. Ça, c'est le point, je laisse passer. L'autre point, je termine par là. 2 Rois, chapitre 5, versets 19 à 27. Vous connaissez, c'est l'histoire de Géasi. Le général Naaman voit Élisée. Élisée lui dit, je ne prendrai pas ça, le présent. Wende nabintu biako. Vas-y avec tes présents. Parce que quel est le principe de Dieu? Kanuni ya Mungu ni kanuni. Vous savez pourquoi Élisée a refusé? Parce que cet homme a donné son offrande après la guérison. Il devait donner l'offrande avant la guérison. Amen. C'était ça le principe en Israël. Voilà la pona. En quoi ça a bifurushi à mulete Élisée. Il est venu avec tout pour donner à. Ça ne se passe pas comme ça. Serviteur de Dieu, c'est ma panne. Je garde le principe. Mina chunga kanuni yangu. Pare avec ça. Wende nayo. Quand il rentre, son serviteur quitte sa couverture. Anenda alasa nono unipatie. Il est allé le voir pour dire que non, remettez-moi ce présent. Et il a attrapé la maladie que cet homme a laissée dans le Jourdain. Comment la maladie a quitté le Jourdain est venue sur Géasi? La maladie est spirituelle. Elle n'était pas physique. Et c'est comme ça que son serviteur a attrapé cette maladie. Quand tu quittes la couverture, il y a des maladies que tu ne pouvais pas attraper avant que tu commences à attraper. Je prie pour tous mes enfants de l'église, biologique, spirituel. Comprenez ce que je suis en train d'enseigner. Que le diable ne vous éloigne pas de la couverture spirituelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ce sont des choses on se retient à comme une assaiement. Je tiens souvent pour en parler. Bon, il faut qu'on pas qu'on s'aime. Oku baba. Bon, attends, même si les gens s'irritent, en tout cas, on doit parler. Entre les pasteurs, pas un pasteur qui te dit non, il faut que tu viennes un peu chez moi enseigner sur l'argent parce que moi je me gêne. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais bon. Écoutez, si Dieu me donne le temps, je le fais pour que mes enfants soient bénis. Alors nous voulons prier pour ces deux choses. La première chose, nous voulons prier pour la libéralité. Que Dieu fasse grâce. Qui te donne un cœur de libéralité. Merci la chorale de nous accompagner. Que Dieu te fasse grâce, bien-aimé. C'est important, prie pour toi-même. Abigaël a sauvé Nabal. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, avec l'hospitalité, plusieurs ont logé les anges. Abraham a eu Isaac à cause de la libéralité. Cette femme de Sunem a eu un enfant à cause de la libéralité. Je prie le Seigneur ce soir dans ta maison et dans ta vie que Dieu vous donne ce don-là. Et nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour l'église. Que Dieu nous donne ce don. C'est très important. Oh bien-aimé, ça chasse même la mort. Abigaël a protégé la vie de Nabal à cause de sa libéralité. Élève ta voix. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant quelques minutes? Nous tenons debout. Nous voulons prier pendant une minute. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie d'abord pour toi-même. Prie pour toi-même. Seigneur, merci. Fais-nous grâce ce soir. Nous avons besoin dans nos vies, dans nos maisons, dans nos enfants, dans l'église. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Donne-nous cet esprit de libéralité. Savoir donner sans attendre à retour quelque chose. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais grâce à cette église, fais grâce dans ma famille, ma maison, mon foyer, mes enfants. Fais grâce, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reviens, mais prie le Seigneur. Que Dieu t'accorde cet esprit de libéralité. Maintenant, tu vas chasser, tu vas briser toute main de l'ennemi. qui te donne de penser comme les apôtres de Jésus-Christ. Quand cette femme a répandu le parfum, tout ce qui peut t'empêcher de donner aux autres, même c'est l'œuvre des ténèbres, nous allons prier. Tu pries pour ta vie et nous prions pour cette église dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier, commence à détruire ces choses au nom de Jésus. Je détruis, je brise toutes mains de l'ennemi qui empêche l'église, qui empêche ma famille, qui m'empêche moi-même à servir aux autres, à servir les choses. Par rapport à la couverture spirituelle, nous voulons prier. Dis à Dieu, Seigneur, je te supplie, fais-moi grâce de ne pas m'éloigner chaque fois de ma couverture spirituelle. Élève ta voix, commence à prier. Prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le deuxième domaine, vous voyez que nous faisons un peu de course ce soir. Nous voulons parler des noms. Juge chapitre 6, versets 30 à 32. Juge chapitre 6, versets 30 à 32. Nous lisons. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieux sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom. L'on donna. Allez, moupa. On donna à Gédéon le nom de Jérubal. Ce n'était pas son nom. On lui a donné le nom de Jérubal. C'est comme ça que j'ai compris qu'on doit parler de noms. Frères et sœurs, les noms sont des clés spirituelles de la destinée d'un homme. Le nom est une clé spirituelle de la destinée de chaque être vivant. Ça signifie quoi? Ça signifie que la vie d'un homme se cache dans son nom et dans ses rêves. La vie d'un homme se cache dans son nom. Le nom est une clé de la destinée d'un être humain. Le nom que vous portez détermine l'issue de votre vie. Kabea, Maloba, Kamwang, Mukachung, Mbai. Le nom que vous portez détermine l'issue de votre vie. Le nom est une clé. Et ce soir, j'aimerais qu'on en parle. Et qu'on prie. Aujourd'hui, nous allons nous engager dans une prière de combat. Généralement, le nom que nous avons, on nous les a donnés. Ok. Qui s'était donné lui-même son nom qu'il a pour le moment. Personne. Anna. Donc si Bote a pas ton école. Tous ensemble ici. Ichina okunai. Le nom que tu as. Quelqu'un t'a donné. Mutu fulani mwingine ndio alikupanga hiyo. Eh, c'est grave. Ni hatari kabisa. C'est grave. Ni hatari. Le nom que nous avons, on nous l'a donné. On nous les a donnés. Or, en donnant le nom à quelqu'un, on lui crée un avenir. En te donnant le nom qu'on t'a donné, on t'a créé un avenir. On t'a créé une vie. Ce n'est pas un hasard que ton père se réveille. Il dit, tu t'appelles Kabea. En te donnant le nom là, il a créé la vie de Kabea en toi. Le nom est spirituel. C'est une clé de la destinée. Le monde spirituel n'est pas géré par l'intelligence. Le monde spirituel est géré par des alliances. Je répète que le monde spirituel est géré par des alliances. Et quand on parle des alliances spirituelles, il s'agit des divinités. Une divinité, tu peux ne pas l'invoquer, mais elle s'applique sur toi. L'année passée, on a parlé de Jézabel. La divinité Baal. Il est Nungu ya Bali. Commence à s'appliquer à Samarie. Il y a de kutumiwa sasa mu Samaria. Même Dieu. Hata Mungu mwenyewe. Quand nous venons chez lui en tant que divinité. Wakati tunakuja kwake kama yeye kama Mungu. Ça s'applique sur nos vies. Ah, c'est comme ça que Dieu dit. Qu'est-ce qu'on fait d'une divinité? Invoque-moi, je te répondrai. Dans une divinité, on l'invoque. Il y a certaines choses graves que nous négligeons. Le nom. Jina. Le nom représente une divinité. C'est-à-dire que dans le nom, il y a une alliance spirituelle. Dans le nom, il y a une vie qu'on t'a donnée. Comment on donne le nom? Qui peut me dire comment on donne le nom? Comment on donne le nom? Nous avons des sages en l'église. Papa Mombete. Comment on donne le nom? Parlez, donnez le micro à. Et puis c'est Keren qui vient donner. Chez nous, quand... bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. On dit chez nous, quand un enfant est né, on cherche toujours parmi les ancêtres qui sont morts. Et on dit que c'est tel qui est revenu, on lui donne le nom. C'est le mot fulani où John Rudy a Léo. Donc, chez vous, les ancêtres ne meurent pas. On les fait revenir avec le nom. Vous comprenez comment ça se passe? Même s'il est mort depuis longtemps, ou celui qui venait de mourir, on lui donne le nom pour qu'il revienne. Pour qu'il soit vivant. Mais c'est grave. Pour que le nom demeure. Il est Gina Yendeleye. Papa pasteur. Léon, basé, bot, va te expliquer. Maintenant, comment prier là? Oui, papa, pasteur. Gina, on a dit. Parce qu'on donne un nom à quelqu'un. D'habitude, le fait de donner les noms, c'est fonction des événements passés. Ah, le Kadir Yamadira, il est pinta. On ne peut pas répercuter son nom. On s'est dit que des fois, son caractère peut ressurgir là. Donc, vous êtes conscient que le nom a en lui le caractère. Compte tenu des événements, si c'est l'année où il y a une abondance, il est coucou à hôtel. Les enfants qui peuvent être financés de l'autre part. Le nom de Diese. On a dit que Diese. La bénédiction. On a dit que Baraka. C'est dans ce contexte. Et s'il n'y avait pas d'abondance, on leur donne quel nom? C'est ainsi que nous avons laissé. Ok. Papa Polidor. Mouzé Polidor, Zamouyako. Après, je passe chez les mamans. Je vais changer aussi quelques mamans pour nous expliquer. Matina Banakabula Kadi. Mais c'est très capital ce que nous sommes en train de dire ce soir. En ce qui concerne Matina, en ce qui concerne le nom, Baba, le père, Baba, c'est le père qui donne le nom à un enfant. C'est-à-dire, Wakati Mama est qu'on a bougé tout. Quand la maman est grosse, je vais parler de deux côtés, deux volumes. Cet homme, c'est un païen. Sa femme a conçu. Il y a un esprit qui t'a mené. Coco, esprit moya, ça va lui dire, va lui communiquer. Donne le nom de tel. Donc ça signifie que le nom est dicté par un esprit. Retenez ce qu'on est en train de dire. Parce que nous allons, c'est vraiment ce soir, samedi, c'est, on va prendre un temps, c'est vraiment une prière de combat spirituel. Ici, on nous dit que le nom est dicté par un esprit. Lui nous a dit que le nom, on prend un ancêtre qu'on veut faire revenir. Je vais donner un exemple. Banazala mutoto, un enfant est né. Banamupanga jina. Lui a donné un nom. Chibi Kufwa. Chibi Kufwa. Il a un sens. Ça a une signification. Ça signifie quoi? C'est-à-dire Kizur Kibayani Kufwa. Ah. Chibi Kufwa. Chibi Kufwa. Pourquoi mon panga Kizur Nibujima? Non. Ouais. Nous sommes en train de comprendre. C'est une réflexion, on est en train de comprendre. C'est des questions. On est en train d'analyser. Écoutez, quand vous êtes en train de méditer pour résoudre un problème, et vous comprenez que le pensant de nos parents, de nos ancêtres, c'est surtout d'un côté, c'est un penchant. Alors, du côté, il y a beaucoup de pagans. Ça, c'est du côté d'un païen. Mukalaï, c'est quoi? Ce sont les esprits. Ok, Kyungu. Ce sont les esprits. Ok. Alors, il y a toqué à Kumbu. Maintenant, pour les chrétiens. Du côté des chrétiens. Oui, Muntu Anamin. Ce dernier, il a crié au Seigneur. Célibataire. Il est célibataire. Anao. Il s'est marié. Anatafuta Kupangachi. Il va maintenant donner le nom à son fils. Si les parents sont encore en vie, ils vont lui dicter un nom. Maintenant, c'est à lui de juger. C'est à lui maintenant de juger. Je ne comprends pas très bien. C'est comme ça que ça se passe? Oui, ça se passe comme ça. Hein? Oui. Il y a ceux-là, il y a certains enfants qui dépendent donc, rien que des parents. Donc, bien qu'on a mis ça, baba, ça. Maman jolie, vous voyez que ce n'est pas facile. Hein? Hein? On a seulement? C'est vrai, papa. Ok. Je ne savais pas, en fait, ça. Ils ont plaqué le pasteur à dire? Caractère mongil. Caractère dans les noms. C'est-à-dire, où ton papa? Vous allez voir, papa? Non. Tu dis que non. Il est Njina. Ce nom-là, il ne faut pas lui en donner. Utiliser à ta bandoukouya, à ta mou. Dites même à tes frères là que personne ne donne ce nom. C'est un mauvais nom. Comment ce sera mauvais parce qu'ils ont vécu avec ce nom-là? C'est ce que le pasteur a dit que ressent sur le caractère. Il y a certains noms qui sont liés dans les caractères. Ça va même affecter l'enfant. Et quand quelqu'un grandit, il aura des problèmes dans l'avenir. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'ancien? Amen. Bien aimé, on est en train d'apprendre des choses terribles. Est-ce qu'il y a une maman, qui peut nous aider? Maman, bana wazakaje akupanga mtoto jina bana fanya kaji kisha pale bana waza bana pata ile jina bana fanya ka ceremony kani jo kupanga ile jina bana fanya ka hivi fait comme ceci kama mtu eko na mimi ka une femme est grosse ba kusema azale mtoto bana angalia avaki ne puisse accoucher panga nani on va donner quoi bana panga ole mtu jina. On va donner le nom de quelqu'un. C'est le nom qu'on a donné. Peut-être que j'étais un fétichiste. S'il était un voleur, les gens ne savent pas. S'il était un voleur, qu'on donne le nom, il va emboîter les pas de celui-là. Il va évoluer avec ses mauvais esprits. Ok. Les jours là de donner le nom là, on fait comment? Disent que nous allons donner le nom de qui? C'est papa qui décide qu'on donne le nom à quelqu'un. On nous dit que ton nom c'est tel à partir d'aujourd'hui. Et il viendra encore. Il vient confirmer le nom en amenant sur le présent. Il dit que c'est mon nom. Il vient avec le présent. Non, vous comprenez. Hein? Ouais, on comprend. Maman Munga Mibariki, vous voyez, maman a sema très bien. Maman a très bien dit. Banamupanga mtoto jina. On a donné le nom à un enfant. Nous qui mettons encore au monde, hein? N'est-ce pas? Nous qui mettons encore au monde. Visage na leo. Ou nous qui aurons des enfants qui vont mettre au monde. Ashita pata batoto bal tazana mashko akesho. Ok. Banapanga mtoto jina. On donne le nom à un enfant. Kisha banasema atakuwa kuitika jina. Il viendra pour confirmer son nom. Et puis, je vous dis que le monde est spirituel. Nasema kama dunia hii ni ya kiroho. Anakuwa kuitika jina, achakuwa nyama, achakuwa nkuku, frère. Il vient comme ça, il vient avec des présents. Jovile. Ouais. Anaua nyama, anaua nkuku. Juu ya nini? Na pombe. Nampombe. Oui. Donc il y a déjà des cérémonies. Donc, en fait, panika, sans le vouloir, bila kutaka, il y a une pitika dans le monde spirituel. Ça se passe dans le monde spirituel. Et puis anakuya na beba sema uyu ni majina. Ah, il vient, il le prend, il dit que ça c'est mon nom. Atenifa na paka mi. Il va Dieu. La photocopie. Ok. J'ai besoin de trois mamans. Deuxième maman. Maman Matena. Maman Godé. Maman Charlotte est où? Maman, ça ne peut pas nous aider aussi, Ville et Rupanga Djinn. Amen, Kanisa. Amen. Moi, j'aimerais dire du côté de ma mère. Du côté de ma mère, on donne le nom selon les événements. C'est que c'est pas au moment où l'enfant est né. Il est événement, il qu'on a franchi pas le maman qu'on a dit. Ok, quand la maman est grosse. Ou bien il est membre de Pétagam Kizazi avant que Nami. Ou quand c'était passé dans la famille avant qu'il soit grosse. Par exemple. Un enfant au monde, il meurt. Le second, il meurt aussi. On va aller faire une cérémonie. Après les cérémonies, l'enfant que tu as eu maintenant, comme il est vivant, comme ça on l'appelle Chibola. Chibola, quoi que Mouimbo tout. Aïe, quoi que Mouimbo. C'est un nom qui signifie la pourriture. Mulapanga mtoto chibola. Parce que les précédents là sont décédés, mais ceux qui vivent maintenant, on appelle pourriture. Chibola. Si vous considérez que c'est un enfant, ma esprit moi a régé. Il aura des esprits de rejet. Les gens ne vont pas le considérer. Dit qu'il est semblable à son nom. Ça, c'est du côté de maman. Comme mon nom à moi. Maman mettait au monde des enfants mourants. Et maintenant, quand je suis là. Un instant, pour le passement. Bakatwa. Bakatuamba. Donc les gens, c'était moqué de moi que je ne mettais pas au monde. Et ce nom-là du côté de maman, les noms ont des effets. Vous synthétisez comme vous citoyez ça, ça vaut quand même. Comme ça, on attend en marche, alors une minute, et puis on passe à deux, trois choses, on prie. On va vraiment prier pour ça. Il est mandina yote iko na maife mubaya maisha batoto njo kuba mama donc mandina yote ko yani c'est non nom de répétition iko na ule mtoto kama anazalika unaone ma esprit a manque d'amour na bandu kwake iko ndani yake cet esprit de manque d'amour envers ses frères aussi est au dedans d'elle. Merci Mungu, est-ce qu'on peut applaudir pour maman? Amen. Keren dans le micro à maman Charlotte Dongo, je vais dire quelque chose pendant ce mois que tu m'envoies. Et on a comprendre que Madina, ce n'est plus un hasard. Ça signifie que Bale Abaya, Bekona Zala, voilà Bale Batazala. Ceux qui vont mettre au monde, qui auront des enfants, les enfants de nos enfants, dites-leur que dans le nom, il y a la vie ou la mort. Alléluia. Amen. Oui, maman Charlotte. Je vais donner quand même quelque chose à mon nom. Je me pose la question, mon nom c'est Ndongo Mahina. Là chez nous, Ndongo c'est une aiguille. Mahina c'est l'étoffe, l'habit. Les deux choses là m'accompagnent dans la vie. C'est-à-dire l'aiguille et l'habit ça va ensemble. Je ne manque jamais les habits. Aujourd'hui, j'accepte, je suis convaincu que tous les noms ont une certaine signification. Et ça nous accompagne dans la vie. C'est ce que j'aimerais dire. Nous sommes une couturière. Combien de couturiers? Mon Dieu, il parle de ça. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Charlotte? Ok. Je vais dire ceci. La peine de ça, c'est que c'est ma vie. Un mois, je me disais que j'ai. L'enseignement est grand, mais on doit être pratique, on doit prier. Quand le nom est donné, on prononce des paroles. Amen. Voilà là où commence le problème. On prononce des paroles. La terre entend. Le ciel entend. On prend l'enfant. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler de tel nom. Il y en a qui font même, à partir que l'enfant est dans le ventre, ils touchent sa femme, ils parlent à l'enfant. Toi là, tu vas t'appeler hôtel. Il y en a qui vont même plus loin. Qui disent que toi là, tu vas ressembler à mon père. Ma mère. Mon frère. Tel. Comme on nous a dit, ce sont les ancêtres. Ça signifie quoi? On invoque des esprits. Le nom est spirituel. Vouloir ou pas, ton nom est spirituel. Dans la Bible, il y a eu des noms qui ont été donnés. Alors, je vais retenir rapidement parce qu'il faut comprendre quelques caractéristiques. Premièrement, il y a des noms des hommes que Dieu a changé. Il y a des noms que Dieu a changé. Technique, soyez rapide, on ne va pas tout lire, je mets juste des versets. Genèse 32, 28, vous connaissez. Dieu dit à Jacob, quel est ton nom? Jacob pourrait être béni. Il a dit Esaü. Donc le nom de Jacob ne pouvait pas avoir cette bénédiction-là. Donc il y a des bénédictions que certains noms ne peuvent pas avoir. Alléluia. Amen. Méditons la parole de Dieu. Son père a vérifié. Venez tous deux ensemble. Donc, le nom de Jacob ne pouvait pas avoir cette bénédiction. Donc, il y a des noms qui ne peuvent pas avoir certaines bénédictions. Alors, pour être béni, il dit non, je m'appelle Esaü. Son père l'a béni. Maintenant, quand Dieu lui vient, il lui dit, mais quel est ton nom? On ne se cache pas devant Dieu. Ce soir, ne te cache pas devant Dieu. Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Maintenant, Dieu lui dit au verset 28, ton nom ne sera plus. Il était, il ne sera plus. Tu seras appelé Israël. Dieu a changé le nom automatiquement. Dieu a changé la destinée de Jacob. Donc le nom est une destinée. Le nom, c'est un avenir. Le nom, c'est une vie. Et pendant que je parle, réfléchis sur ton nom. Il y a une vie, mais quelle vie? Abraham. Ibrahimu. Dieu a changé son nom. Il est devenu Abraham. Sarai est devenu Sarah. C'est pourquoi la Bible dit, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel va déterminer. Ce soir, je prie que Dieu détermine un nom nouveau pour toi. Mais attention, c'est parole contre parole. Pour qu'on te donne le nom, on a parlé. Et aujourd'hui, j'ai appris que parfois, ce n'est même pas le papa qui donne le nom. C'est le parent qui donne le nom. Vous vous imaginez? Tu es chez toi, tu as tes enfants, le papa donne le nom, tu ne vas pas gérer tes enfants. Vous comprenez l'impact spirituel? Papa dit que non, cet enfant portera le nom de mon grand frère. Bien aimé, faisons attention. C'est des choses qu'on doit parler de ces choses. Bon, on n'a pas le temps, on saute. Je saute, je vais donner à Albert, il va écrire. Mais là, comment l'homme donne le nom? Ça, on en a par rapport aux événements. 1 Samuel chapitre 4, verset 21. 1 Samuel 4, 21. Rapidement, la technique, 1 Samuel 4, 21. Elle appela l'enfant Ichabod. La gloire est bannie d'Israël. Parce qu'il y a eu un problème. Il dit que mon enfant ici, il va s'appeler Ichabod. Il n'y a plus de gloire dans notre Israël, dans notre famille, dans notre vie. Le nom Il y a des gens qui ont eu des noms par rapport aux événements que les parents ont connus. Comment on te donne le nom quand les gens n'ont pas de travail, dire que Shinakaj, par exemple. Vous pensez que Batapataka Kajitene? Une moto à Bataka Kazi. Attache chariot et Bataka. Donc le nom a un impact. Manaki Tina, il connaît ma tête. Parfois, on donne le nom par rapport à la famille. C'est ce que les anciens nous ont dit. C'est ce que la plupart d'entre nous nous faisons. Nous regardons dans la gibecière familiale. Et nous puisons un nom. Oh, bien-aimé. Dieu a évité à Zacharie ce problème. N'est-ce pas? On dit à Élisabeth, comment l'enfant va s'appeler? On n'a plus le temps de lire, c'est dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 57-61. Élisabeth dit, non, l'enfant va s'appeler Jean. La famille s'est réunie. Dans notre famille, personne, personne, Bandukumi na penda wey. Ukwewa kwanza ukupata le jina mu famille na ile baraka. Tu es le premier à donner ce nom-là dans ta famille. Asema auto mpacha jina. Tu ne donneras pas ce nom. Heureusement. Heri kwa. Kinywa kya Zacharie kina funga sema jojina mutoto takuya. La bouche de Zacharie a dit que non, il portera ce nom-là. Il y a un autre exemple malheureux. Lisons quand même Genèse chapitre 35 verset 18. Genèse 35, 18 rapidement, le temps est parti. Je demande déjà, mais à court pas, mais on va y arriver. Genèse 35, 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, il s'agit de Rachel, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Il y a Ben-Oni. Baba na katala ile jina. Le père a refusé ce nom. Mangaribi ya leo. Ce soir. Kuku majina il faut tu katale. C'est un nom là que nous allons rejeter. Dans la prière. Le papa dit non, non, non, non, non. Mon fils. Oh, ce soir. Ce soir. Dis-toi aussi. Mon fils. Il ne va pas s'appeler Ben-Oni. Il va s'appeler Benjamin. Fixe le nom Panga Kojina dans la prière. Tania Maombi. Il y en a qui ont changé de nom. Mais aujourd'hui, changer de nom. Je connais des gens, même aujourd'hui, qui ont changé de nom. Normal. Il faut un jugement. C'est ça? Maître n'est pas là. Maître est où? N'est-ce pas, maître? Pour changer de nom, il faut un jugement. Voilà, un jugement supplétif. Oui, un jugement supplétif. Maintenant, tu as parlé en français. Supplétif signifie quoi? Non, supplétif là. Moi, je sais ce que je comprends. Le jugement supplétif. Hein. Supplétif, ça veut dire qu'il y a Yulu. Voilà. Donc vous comprenez. Même les païens ont compris, même la loi. Ne vous autorise pas de changer le nom n'importe comment. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'aime. Malgré toutes les gymnastiques, la possibilité de changer est là. Oh, frères et sœurs, dans la vie, tout est révocable, tout est changeable. Ce soir, tu vas changer. Alléluia. Il n'y a rien qui soit éternel à part Dieu. Tout est changeable, c'est ça? Ça existe, hein? L'adjectif qualificatif changeable. Révisitable, si vous voulez. Renommable. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 et 10, nous allons prier. Ça c'est un verset que vous connaissez, je vous termine avec ce verset. Jabez était plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom, voilà. Ici c'est la maman qui donne le nom. Je suppose que même au Congo, il y a des tribus où c'est la maman qui donne le nom. Il donne le nom de Jabez. En fait, on ne connaît pas son père. Donc Yuxa, voilà, on a laissé, voilà. La maman a eu l'enfant. Il dit, je l'ai eu moi-même. Mon enfant va s'appeler Jabez. C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Je l'ai enfanté dans la douleur. Je lui donne le nom de Jabez. L'enfant grandit. Sa vie est anormale. Frères et sœurs, examine bien. Examine bien. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ils n'ont pas le temps d'examiner. Regardez l'histoire de Salomon. Ces deux femmes, une qui dort sur son enfant, qui meurt. Il prend l'enfant de l'autre. Mais comment récupérer la situation, aller vers le roi, allons vers Dieu pour récupérer la situation. Ils ont suivi le roi, ils ont dit, roi, regarde, entre les deux enfants, entre le mort et le vivant, je veux avoir mon enfant. Le roi lui a dit, donnez l'épée, donnez la parole, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce soir, les choses seront récupérées avec la parole. Alléluia. Verset 10. La femme a examiné et la parole a tranché. Ce soir, la parole va trancher. Jabez invoqua Dieu. Et si tu me bénis et que tu étends de mes limites, c'est-à-dire qu'il avait une vie qui était très limite. Bien aimé, ton nom a limité ta vie. Mais ce n'est pas grave. Tout est révisitable. Je dis comment? Révisitable. Tu peux révisiter les limites de ta vie. Si ta main est avec moi. Donc, c'est un monsieur qui avait l'impression que la main de Dieu n'était jamais sur sa vie. Si la main de Dieu n'est pas sur ta vie, alors il y a une autre main. Et si tu ne me préserves du malheur, donc mateso pa mateso. Malheur sur malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Dieu l'a mis au point de suspension. Il a dit tant de choses. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. En fait, ça signifie quoi? Il a refusé sa situation. Il a prié. Tenons-nous debout. Ce soir, un combat spirituel. Parole contre parole. Tu dois refuser ta situation. Tu dois refuser ta situation. Oh bien-aimé. Si tu as écrit ton nom, tu vas le déposer dans un panier. Même mettez un panier là-bas, un panier pour que je ne fasse pas oublier. Mettez même ici, on va prier, on va mettre ça après. Mais nous voulons prier ce soir. Le nom peut ne pas avoir de problème. Mais il y a peut-être des alliances qu'on a faites autour de ton nom. Dans la famille, si tu sais que tu connais que ton nom a un mauvais sens, bien-aimé, ton nom a été donné en parlant. Les parents ont parlé, les grands-parents ont parlé. Si c'est un esprit d'un ancêtre, Mungu atusaidi. Lève ta main, nous allons prier. Dis avec moi. Bonne année. Mangaribi aleo. Mangaribi aleo. Nina katala. Nina katala. Bibaya biote. Bibaya biote. Bajina yango. Bajina yango. Nina katala. Nina katala. Malianzi yote. Ya mubaya. Ile marifwanya. Bajina yango. Bajina ya batoto yango. Mangaribi aleo. Mina ikatala. Onote. Onote. Élève, tu vas commencer à prier. Prie, bien-aimé. Katala. Katala. Katala. Katala. Oh, rabababababababab. Prie. Prie sur ton nom. Prie sur ton nom. Prie sur ton nom. Prie sur ton nom. Jésus, au nom de Jésus, Tina Yambole, Nicola Itakasa, Tina Yabuko, Tina Yambai, Naitakasa, Tina Yabaton, Tina Yabuko, Tina Yabu, Tina Yamasa, Tina Yabu, Tina Yabuai, Naitakasa, Katika, Tina Raes, Katika, Tina. Ce soir, prie sur ton nom, prie sur le nom des enfants, au nom de Jésus, Mila Funza, Malianciot, Batinaya, Malianciot, Batinaya Baton, Malianciot, Batinaya Kisas, Kati Katina Raes, Kati Katina Raes, Kati Katina Raes, Kati Katina Raes. Prie ce soir, prie, prie ce soir sur les noms, prie ce soir, et papa, et kevos, libra sake. Mira fuja malhação, patina ya, patina ya batu. Oh, Mungu akubariki. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Mira penda kwa hii wakati. Lève ta main droite. C'est ma bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Mina takasa. Mina takasa. Majina yote. Majina yote. Ya batoto yangu. Ya batoto yangu. Ya famii yangu. Ya famii yangu. Na yangu. Na yangu. Au nom de Jésus. Commence à citer chaque nom. Et c'est ma Mungu ichi na itakaswe. Katika jina. Élève ta voix, commence à prier. Prie. Takasa. Takasa. Mina takasa. Tina ya batoto ya, tina ya bai muko, naita kasa, tina ya bai masa, naita kasa, tina ya bai kasa, naita kasa, tina ya bai ku, naita kasa, tina ya bai wai, naita kasa, tina ya bai ru, naita kasa, au nom de Jésus, prie, prie. Oh, Mungo Barikisan. Je te bénisse. Voilà, faute de temps, on va faire quelque chose. Mettez-moi un panier ici. Mon panier où t'as dit que ma Gina. Dans ce panier, vous allez écrire vos noms. On a tout pour mon panier. Vous allez jeter dans le panier. En même temps, ton enfant a ma vœu. En même temps, nous faisons sur les vœux. En même temps, ton enfant a maison. En même temps, on fait aussi. Moi, après le culte, je vais prier. Kishayibada, et je vais brûler ça en tant que sacrificateur. Bibaya biote kuile ma Gina. Tout ce qui est de mauvais là qui comporte dans ce nom. Que ça soit brûlé. Que ça soit brûlé. Au nom de Jésus. Il y a des paroles que je vais prononcer. Je vais prononcer au nom de Jésus. Je vais purifier au nom de Jésus-Christ. Et je vais brûler ça. Avant que je ne rentre chez moi. Les anciens vont rester avec moi. Ce travail, nous le faisons ce soir. Ici, devant la cour. Nous voulons. Quand nos enfants donneront aussi le nom à leurs enfants. J'ai oublié ton nom encore. Comment t'appelles? Amanda. Amanda qui? Hein? Amanda? Shibi. Shibi signifie quoi? Amanda Shibi. Amanda Shibi. Hmm? T'as pas demandé à maman? Elle a dit porte. La porte est toujours là, les gens passent, rentrent, passent. Ok, on va prier pour toutes ces choses-là. De telle sorte que quand tu sanctifies ton nom, le jour où toi tu as des enfants, les enfants à toi maintenant. Le nom est déjà sanctifié. Il n'y a pas de problème. Le nom est ils ne vont plus aller chercher dans les ancêtres. Non, non, ils vont chercher dans les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons faire le vœu, nous allons faire la table. Je bénis la table parce qu'aujourd'hui, c'est une table qui annule les mauvaises alliances sur nos noms. Par le sang de Jésus-Christ. Père, merci. La table, c'est parce que Christ est mort à la croix. Son sang a coulé. Ce que j'aime, c'est que le sang a touché la terre. Le sang a touché ma vie. Pour que ma vie soit purifiée. Ce soir, il n'y a pas que le péché que tu purifies. Il y a aussi les alliances sataniques sur nos vies, sur nos noms. Je prie que la table de ce soir soit une table qui libère nos vies, qui libère nos vies par le sang de Jésus. Je sanctifie la table, le pain et le sang que nous allons partager, que ce soit le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous voulons le faire au nom de Jésus. Prends ton vœu maintenant, ton autel. Dis à Dieu, ça nous pouvons tous prier. Lève, prends ton offrande, ton vœu. Dis Seigneur Jésus-Christ, mon vœu de ce soir, c'est pour briser toute mauvaise alliance sur mon nom, sur le nom de mes enfants. À partir d'aujourd'hui, que ça soit une nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et quand nous faisons ça, tu pries. On peut enlever les nappes ici. La croix, nous voulons une forte adoration maintenant. Le panier devant, c'est seulement le papier des noms. Le panier, c'est des les autres. Oh, oh, oh, oh, oh, je crie à nous sommes en prière. Écrivez, prions. Oh, merci Jésus. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi. Tu dis, invoque-moi. Je te répondrai. Je crie au Dieu des délivrances. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Alliances sur ton nom et sur n'importe quel nom que qui te passe par la tête, tu dis Mungumina Funja, il est ma alliance, je te pas Dina Fulani, Katika Dina. Pendant une minute, élève ta voix, prie, bien-aimé, élève ta voix, prie le Seigneur. Funja, il est ma alliance, je te Funja. Saint-Yen et Dina, le roi Mouzouri, mais où le monde tout par qui chaque maïcha en affaire bibaya. Oh, il est esprit. Tu n'as qu'à t'aller érudier, patina yako, patina yaba toto yako, patina mon familier. Kati katina la Yesu, kati katina la Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Père, merci Seigneur. Parce que je dis que vous m'invoquerez, je vous répondrai. Merci parce que tu nous réponds. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En tout cas, je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Toute la semaine, vous vous êtes sacrifié. Je bénis les anciens toute la semaine. Je bénis les anciens, ils ont même appris comment faire les gâteaux. Ils ont appris comment même faire nettoyer les ustensiles. Ah, ça c'est merveilleux. C'est un exercice qu'on a fait. On a fait, on a une semaine hautement spirituelle. Et je suis convaincu que le ciel est déjà ouvert. Alléluia. Amen. Continuons, ne nous fatiguons pas. Le premier ennemi de la victoire, c'est qui? Hein? C'est la victoire elle-même. Ce n'est même pas le diable. Généralement, après des moments comme ça, on se dit, tu n'as pas de musique. Donc, demain, nous avons notre culte à 8h. De 8h à 8h30, intercession, 8h30, le culte. La défense, vous êtes préparé, David est où? Ça marche? Le monsieur l'a envoyé le répertoire? On a envoyé dans le groupe. Vous vous êtes préparé, hein? Ok. Donc, demain, assistez-le aussi. Il quitte très tôt matin le Mbassi, comme ça. Il fait aller-retour. Comme ça, vous l'assistez aussi pour la défense. Nous prions. Et les anciens, nous restons. Nous avons un travail de quelques minutes. Et on va juste nous apprêter même une tôle métallique. La tôle est toujours métallique, hein? On nous a pris une tôle et ça va nous permettre de faire le travail. Baba mina kubariki, mina bariki taifalaku. Mungu bariki batumishi yako, turudie salama paka mu manyumba, tunaomba mu jina la Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les anciens.